Le mercredi 16 novembre, ici Dominique Lelièvre et les informations. La salle de spectacle de la tour Le Phare suscite l'inquiétude du milieu artistique. L'ajout d'une nouvelle offre en matière de spectacle fait sourciller après le Centre Vidéotron et l'arrivée prochaine du Diamant de Robert Lepage. Des gestionnaires et propriétaires de salles de spectacle interrogés par Radio-Canada affirment que l'offre se multiplie alors que la demande des spectateurs, elle, est plutôt stable. Ils déplorent ne pas avoir été informés pour ce nouveau projet, précisant qu'il est nécessaire pour le milieu de se concerter. Le directeur de la future salle de spectacle, le pianiste Steve Barakat, se défend en mentionnant que le projet est financé à 100% par des fonds privés. Il assure également vouloir apporter une offre complémentaire à ce qui se fait présentement. Rappelons que cette nouvelle salle de spectacle a été annoncée hier par le groupe Dallaire qui présentait la dernière mouture de son projet de tour de 65 étages. Le gouvernement de Philippe Couillard ordonne la vérification de toutes les transactions qui ont été passées par la Société immobilière du Québec. Les contrats de la SIC seront donc passés au peigne fin par le vérificateur général du Québec. La firme Raymond Chabot aura pour sa part le mandat de scruter l'ensemble des 960 baux qui ont été signés par l'organisme. Cette annonce qui survient dans la foulée des allégations de fraude dans cette société d'État qui est chargée de gérer les bureaux du gouvernement. Radio-Canada révélait au début du mois que d'anciens collecteurs de fonds du Parti libéral du Québec se seraient partagés la somme de 2 millions de dollars. Plusieurs autres affaires de mauvaise gestion à la SIC ont suivi. Justin Trudeau a atterri ce matin à La Havane, près de 40 ans après son père. Le premier ministre canadien se rend à Cuba pour une mission commerciale et politique. Plusieurs observateurs avancent que la récente élection aux États-Unis offre une fenêtre d'opportunité au Canada, puisque l'arrivée de Donald Trump pourrait se traduire par un recul dans les efforts d'ouverture entre les États-Unis et Cuba. Justin Trudeau s'est aujourd'hui entretenu avec le président cubain, Raúl Castro. Il n'est pas impossible qu'il rencontre également l'ancien dirigeant Fidel Castro, en raison de son amitié avec Trudeau père, le premier ministre canadien qui est également attendu dans les prochains jours en Argentine et au Pérou. Soleil, pluie, neige, vent, tempête, météo. C'est de la pluie ou bien de la bruine par moment pour toute la journée aujourd'hui. Ça va cesser vers minuit ce soir. Il fait 7 degrés présentement. Le maximum à atteindre aujourd'hui est de 9 degrés. Il y a des vents également du nord-est de 30 km/h avec rafale à 50 km/h. Demain jeudi, c'est retour du soleil. Il fera 8 degrés. Ce sera ensoleillé également vendredi avec 7 degrés.